reste que la pluie à l'horizon de ma vie. Et je pense à tous ces chemins que j'ai pris. Mes bons, mes mauvais moments, mes déprimes et mes sermons, j'ai fait de mon mieux pour perdre tout ce temps. Quelque part je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, une fille que je ne connais pas encore. Au bout de ma nuit et au cœur de ma vie, oui, quelqu'un m'aime quelque part. Ces bouteilles au pied du lit où j'ai cru trouver l'oubli, tous mes rêves s'en sont allés en fumée. Les vrais et les faux amis que j'ai cru qui sont partis, en me volant un peu de cœur et d'espoir. Quelque part je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, une fille que je ne connais pas encore. Au bout de ma nuit et au cœur de ma vie, oui, quelqu'un m'aime quelque part. Je ne suis qu'un étranger, un arbre déraciné qui s'endort dans les déserts du monde entier. J'ai cru aimer trop de fois, j'ai cru mourir tant de fois pour des yeux qui savaient mentir mieux que moi. Quelque part je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, une vie que je ne connais pas encore.